to 15, observation, sounds and letters. Allez, nous allons, vous allez. Tu vas, il va, elle va, ça va. Nous allons, bonjour. Bonjour. Nous allons, vous allez.